fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est installé à la technique, le casque sur les oreilles. Daniel en votre compagnie pour vous présenter la cerise sur le canto numéro 34. Un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. Et puis un jury neutre qui classe les titres des émissions. Et sans plus tarder, ben les résultats de l'émission précédente, c'était la cerise sur le canto numéro 33. C'était il y a 15 jours sans doute. Hein. Médaille de bronze. Troisième place donc pour Félix Mayol. Elle vendait des petits gâteaux. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles manières attirent les passants. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle servait tous les clients en se trémoussant gentiment. Fallait voir comme elle sautait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans la boutique, un vieux monsieur entra. D'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un air très malin, il en mit deux dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Voulez-vous mon petit coco, mes marrons et mon cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, mais vos marrons sont glacés. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait agacée, il ne partira pas. Ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol, elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles. Il répond d'un ton sec, je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux, eh bien cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez donc de la autre chose avec. C'est la chanson de Amir qui s'est classée deuxième, Anya. Anya, toi dont les yeux brillent quand même, petite luciole quand tout s'éteint. Anya, cette chanson que tu aimes, quand tu me regardes, elle me revient. Elle dit que la vie n'est pas cruelle, que tous les hommes nous sont pareils, que si on leur donne du bonheur, ils finiront par devenir meilleurs. Anya, pardonne-leur. Anya, les enfants laissent lumière, certains s'assombrissent en chemin. Anya, la couleur que je préfère, c'est le rose de la paume de ta main. Prends mon bras, serre-le encore plus fort. L'amour peut repousser la mort, cet invisible dictateur. Je vois perler des larmes sur ton cœur, en rivière de pudeur. Anya, nos Nos espoirs faits de dentelle ne tiennent qu'au fil de nos destins. Anya, garde tes gants, demoiselle, pour essuyer nos peaux de chagrin. Tu dis que le chagrin se traverse, que la douleur n'est qu'une averse, qu'il y a un soleil pour demain. Toi qui m'appelles d'un sourire enfantin, caché dans son écrin. Anya, nous prenons des trains fantômes, il y a parfois de tristes voyages. Anya, tu bouleverses mes atomes, toi l'électron libre sans bagage. Petite poupée de porcelaine, lorsque la folie se déchaîne en mosaïque de douleur. Petite reine à la couronne de fleurs, Anya, pardonne-leur. Anya, veut-on s'aimer comme des frères? Nos parents étaient si différents. Anya, tu es des millions sur terre, le prénom n'est pas très important. Que tu portes une croix ou une étoile, un petit point rouge ou un voile, la réalité est la même. Et puisqu'on récolte ce que l'on sème, je t'offre ce poème. Anya, un oiseau aux ailes blanches est venu se poser près de toi. Anya, la haine a scié la branche et le bonheur est tombé bien bas. Pourvu que nos espoirs se relèvent, que dans nos cœurs coule la sève et les embruns des jours meilleurs. Mais si la barbarie n'est qu'une erreur, Anya, pardonne-la. Sur ton innocence, et goutte à goutte on se dit adieu. Anya, tu gardes une part d'enfance, comme si la vie n'était qu'un grand jeu. J'aimerais tellement avoir ta force, avoir ce printemps sous l'écorce d'un arbre que je sais trop vieux. Marche plus loin, moi je m'arrête là. Anya, pardonne-moi. Anya, toi dont les yeux brillent quand même, petite luciole quand tout s'éteint. Anya, cette chanson que tu aimes, quand tu me regardes, elle me revient. Elle dit que la vie n'est pas cruelle, que tous les hommes nous sont pareils, que si on leur donne du bonheur, ils finiront par devenir meilleurs. Anya, pardon. Chanson gagnante maintenant de la cerise sur le canto numéro 33, Gilbert Bécaud, Quand tu danses. Oh oui. Oh oui, oui, oui, oui, oui. Allez. Et allez. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier.

moment. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Être le mari d'une très jolie femme, ah quel bonheur! Mais la situation présente aussi quelques inconvénients. Enfin, bon, des inconvénients qui peuvent porter chance au jeu. Les jeux se font, rien ne va plus. C'est moi le mari, à vous de trouver l'interprète. Si, si, vous connaissez. C'est moi le mari. Entraîné par la passion et curieux de sensations, j'ai fait un mariage d'inclination avec une femme ultra chic. Et quand nous sommes en public, sans me vanter sa beauté, flatte ma vanité. De l'étoile à l'opéra, fièrement je lui donne le bras et je me dis, c'est moi le mari. Avenue du Bois, le matin, je l'accompagne, l'œil vif et le teint épanoui, c'est moi le mari. Rue de la Paix, chez le bijoutier, quand elle choisit un collier, j'en sais le prix, c'est moi le mari. Rue Pigalle, quand tout un soir, elle danse avec son danseur noir, je vois ainsi, c'est moi le mari. Quand vient la saison d'été, elle aime qu'on aille habiter les palaces les plus réputés. Il faut voir ses additions, mais j'ai des satisfactions. Ma chérie fait, en effet, j'ai mon petit succès. Quand elle s'exhibe en maillot, devant une bande de ballons, je me dis, c'est moi le mari. Quand elle se rend au dancing, impeccable dans mon smoking, je la suis, c'est moi le mari. Quand au cours d'un black bottom, elle flirte avec tous les hommes, je souris, c'est moi le mari. Cependant, au baccarat, je gagne, ça ne rate pas, 500 louis, c'est moi le mari. Ma femme vient d'être maman et m'a donné récemment un garçon qui est mon portrait vivant. Comme elle le néglige un peu, je la remplace comme je peux. Matin et soir, faut me voir accomplir mes devoirs. Quand sa mère est aux galeries, je pousse la voiture du petit aux Tuileries. C'est moi le mari. Je cause avec les nounous, je fais de temps en temps boudou, boudou, l'enfant rit. C'est moi le mari. Je le verse tendrement, je lui fais un assortiment d'agacerie. C'est moi le mari. Je suis copieusement inondé chaque fois qu'il lui prend l'idée de faire pipi. C'est moi le mari. Vous avez reconnu ? Oui, Jean Gabin, bien sûr. Allez, on change de rubrique. Là, maintenant, c'est la rubrique Eurovision. Jean-Philippe, c'était un ancien petit chanteur à la Croix de Bois, vendeur de voitures, puis de chemises. Et il lança sa carrière de chanteur lors du concours Eurovision de la chanson et il était choisi pour représenter la France en 1959. Et ça avait lieu précisément en France, à Cannes. Jean-Philippe interprétait une chanson écrite par Pierre Court et composée par Hubert Giraud, et il se classa 3e sur 11, c'est pas si mal. Oui, oui, oui, oui, Jean-Philippe. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous ferons le tour du monde avec mon trois, ma jolie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Va, mon bateau, va.

sur la mer. Pour toujours, tout le temps. Les promesses, les promesses, les promesses. On aura deux enfants. Une villa sur la mer. Pour toujours, tout le temps. Les promesses, les promesses, les promesses. Les promesses, les promesses, les promesses. Les promesses. C'est en 1981 que l'on a vu fleurir les radios libres. Oh, des milliers de radios libres dont certains étaient vraiment très libres et qui fonctionnaient avec du scotch, des bouts de ficelle, un couteau et la tribu qui va avec. Tout ça, c'était de l'amateurisme et on se marrait bien. Les conneries qu'on racontait à l'antenne, ben on se marrait bien, ainsi que les trois auditeurs qui nous écoutaient. Le sketch de Pierre Palmade m'a toujours fait marrer, car c'était notre quotidien à nous, les animateurs des radios pirates. Les invités qui venaient pas, les invités qui venaient sans avoir été invités, les platines qui ne marchaient pas, les disques 33 tours qui démarraient en 45 tours, les vinyles rayés et surtout les mecs qui s'y croyaient, mais incapables d'aligner deux mots, en n'ayant rien à dire, ou qui abusait de la chambre d'écho, parade, parade, parade, du pur délire, mais on se marrait bien. Radio Chrysanthème, Pierre Péchin. Chrysanthème, Chrysanthème, Chrysanthème. Radio Chrysanthème. Me shoot à la salade et ça me rend malade. Et j'ai essayé le poireau et ça me rend c'était un super titre de Raymond Cagnard. Raymond Cagnard, c'est un super, super chanteur qui était super et qui est premier à notre super hit. Vous êtes toujours à la putain, à l'écoute de Radio FM, 1400 machin et des poussières. Ça fait super plaisir d'être super avec vous. Alors maintenant, c'est super. Ah, tiens, Bill, on va passer un super disque. T'as deux minutes avant que notre invité, qui est invité, vienne maintenant. On écoute un super titre. Alors, tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout. T'as pas de disque ? Va en acheter un, demande à Bronco. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Le résultat du hit parade, tout à l'heure donc, avec le super titre que vous avez écouté, que je refais pour que vous le soyez rappelé maintenant. Et me shoot à la salade et ça me rend. J'ai essayé le poireau et ça marteau. C'est super, vous avez été nombreux à téléphoner quand on aura le téléphone. Mais de toute façon, c'est super. Salut, à tout à l'heure. Une page de... Non, pas de page, mais de toute façon, on se reste en contact. Oh mais ouais, arrête tes conneries. Oh merde, tu es à l'antenne, putain, j'ai des conneries. Non, c'est pas grave, merde. Bon, ah, un invité, extra. Comment vas-tu? T'es venu? Oui. Ça nous fait super plaisir. Comment t'as trouvé le département? Bah, j'ai eu du mal, mais enfin, je l'ai trouvé quand même. Super. L'important, c'est que tu sois là. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Bon, alors, je vais te demander de vouloir bien vouloir écouter cette super chanson maintenant que Bill va nous passer. C'est Michael, Michael, Michael Johnson, I'll be it. C'est un fan extraordinaire, il y avait le canard. Tu t'es planté, putain, ça fait rien, c'est pas grave. On est super relax ici à Radio Chrysanthème, 100 millième de seconde FM. De toute manière, quoi qu'il en soit, c'est... Ah, voilà une super visite, vachement heureux, des invités surprises. Enfin, ils sont pas vraiment invités, c'est pas vraiment une surprise. C'est les CRS. Allez, dégagez là. Allez, on fout de la commando, là. Confisquement le marché. Allez, allez, dégagez-moi. Radio.

peur de perdre la tête en enfer, la suite t'en verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou. De 1987 qui révèle une jeune chanteuse d'origine lyonnaise et qui avait délaissé son métier d'infirmière à Meaux. Elle avait délaissé pour partir à l'assaut du top 50. Et le pullover blanc, c'est une ballade folk nostalgique qui évoque l'amour perdu d'un de ses amis. Graziella participa à de nombreuses émissions de télévision avant de retomber dans l'anonymat et de retrouver son beau métier d'infirmière, le pullover blanc, Graziella Demichel. Dans la nuit, dans le dernier hiver. comme son nom l'indique, Mon beau-frère permet au chanteur d'accueillir dans sa famille le futur mari de sa sœur. Mais attention, Black M préfère le mettre en garde. Bienvenue mon frère, mais attention quand même. Tant que tu l'aimes, on t'aime, mais point de suspension. Mon beau-frère, Black M. Salut. T'es qui, toi? Moi, je suis Max. Je voulais... Tu veux quoi? Je voulais voir ta sœur. Oh, il a dit ta sœur, wesh! Ah, t'es sincère, toi? Ah, qui a traité ta mère? Attends. T'as quel âge? Mais lui, il a 12 ans, lui, ça se voit avec sa tête froissée. Qu'est-ce que tu racontes? Il a 45 ans, comment ça dégaine, wesh? T'es sérieux, là? Non, en fait, j'ai... Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis... Là, il est plagiste, regarde, t'es sérieux? Il vend du papier peint, regarde! Je te jure, la vie. Non, en fait... Oublie ma sœur. Ouais, oublie ma sœur. C'est ta sœur. Non, mais c'est comme un ref pour moi. C'est pas grave. Remets plus jamais les pieds ici, mec. Remets plus jamais les pieds ici, mec. Allez, on se casse. Allez, on se casse. Ah, on se casse, ouais, on se casse. Attends. Ouais, c'est un ouf, putain, ta sœur. Voilà, c'est un ouf. Elle est à moi. Malade. À moi. Ah. On se casse. Mon beau-frère. À la base, personne ne touche à ma sœur, tu sais. Même avec un bouquet de fleurs. T'as bien raison d'avoir des gouttes de sueur, car un de nos cousins débarque tout à l'heure. Félicitations, tu t'es engagé à vie, t'as dit oui sans hésitation. Je te comprends, ma sœur est belle et intelligente. Quand je vois tes mocassins, j'ai du mal à la comprendre. Viens avec moi, je vais te présenter ma bande, bois un verre à la nôtre. Faut te détendre, on a tellement de choses à échanger. J'espère que tu t'es vraiment rangé. Elle nous a beaucoup parlé, toi, elle nous a dit que t'étais le bon. Si tu merdes, y'a pas le choix, on va devoir te jeter d'un pont. Doucement avec ma sœur, le mariage c'est pas de l'eau. En entrant dans sa vie, tu es rentré dans la nôtre. Bienvenue, mon frère, mais attention quand même. Bienvenue, mon frère, fais attention à elle. Bienvenue, mon frère, mais attention quand même. Bienvenue, mon frère, tant que tu l'aimes, on t'aime. Bienvenue. À la base, personne ne touche à ma sœur, tu sais. Ou tu peux te foutre ta fleur. Oups. T'as de la chance que maman t'apprécie si fort, mais t'es mort le jour où ça va parler divorce. J'ai enquêté sur toi, monsieur le gendre idéal, j'ai des petits dossiers. Après, c'est toi qui vois, si tu veux pas que je parle, va falloir négocier. Je sais que tu m'aimes, la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'être soi-même. T'es arrivé dans la famille comme un rayon de soleil, il ne faut pas nous en vouloir si parfois on se protège. Et j'avoue que j'aimerais voir le mélange de vous deux. Elle est pas encore à toi, attends un peu. Bienvenue, mon frère, mais attention quand même. Bienvenue, mon frère, fais attention à elle. Bienvenue, mon frère, fais attention quand même. Bienvenue, mon frère, tant que tu l'aimes, on t'aime. Bienvenue. Vous faites un poursuivre une chanson de 1986 écrite et composée par Francis Vacher, Olivier Guillot et Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques Lafont, vous connaissez, le géant de papier. Très vite, le disque de platine et elle a réalisé la meilleure vente de disques cette année-là en France. Viens boire un petit coup à la maison, licence 4. Hé, hey, Gilou, réveille Francis, il faut y aller, Francis, là. Francis, faut y aller. Mais où ça? Oh, Francis, hey, allez, hey, Francis, on y va, dépêche-toi. Allez, salut, on va chanter, allez. On avait des crêpes au grand marnier. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. On s'est pensé, on a tout vu et on n'a rien mangé. Pour faire la cuisine sans être bourré. Et cette fois y'a pas de premier couplet. À se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de bar, y'a pas de masse, y'a pas les copains. Suite à cette histoire, y'a pas le vent, y'a pas le temps, s'il y a pas les copains. Allez, viens boire du coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Les Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains, les chansons. Allez, viens boire du coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles nous ont mis le perdreau sous clé. Elles ont viré plus fort que nous et on s'est fait virer. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canton numéro 34, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Et puis la liste des chansons se trouve sur la page Facebook de l'émission, bien entendu. À part ça, la prochaine cerise sur le canton, mais c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous espérons fidèles et nombreux à Patchfork, à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2, ça c'est pour les Lorrains, et sur le net radiofagette.net en ligne pour les autres Européens. On a encore un peu de temps, Yves ? Oui ? Une autre. Eh bien, après une autre, vous retrouverez Thierry